Tome 1er, chapitre 1er, l'orage. 8 jours après la scène que nous venons de raconter, vers 5 heures du soir à peu près, une voiture attelée de 4 chevaux et conduite par 2 postillons sortait de Pont-à-Mousson, petite ville située entre Nancy et Metz. Elle venait de relayer à l'hôtel de la Poste, et malgré les instances en résultat d'une hôtesse à Corte, qui, sur le seuil de sa maison, guettait les voyageurs attardés, elle continuait sa route vers Paris. Les 4 chevaux qui l'entraînaient eurent à peine disparu à l'angle de la rue avec la lourde machine que 20 enfants et 10 commères, qui avaient stationné autour de ce coche pendant les quelques minutes qu'ils avaient mis à relayer, rentrèrent dans leurs demeures respectives avec des gestes et des exclamations qui décelaient chez les uns une hilarité excessive et chez les autres un profond étonnement. C'est que rien de pareil à cette voiture n'avait encore traversé le pont, que 50 ans auparavant, le bon roi Stanislas avait fait jeter sur la Moselle pour établir de plus faciles communications entre son petit royaume et la France. Nous n'en exceptons pas même ces curieux fourgons d'Alsace qui, au jour de foire, amenaient de Falsbourg les phénomènes à 2 têtes, les ours dansants et les tribunomas de ces saltimbanques bohémiens des pays civilisés. En effet, sans être un enfant frivole et railleur, une vieille médisante et curieuse, on pouvait s'arrêter avec surprise en voyant passer ce monumental véhicule qui, suspendu sur ses 4 roues de pareil diamètre et soutenu par 2 solides ressorts, avançait néanmoins avec assez de rapidité pour justifier cette exclamation échappée aux spectateurs « Voilà une singulière voiture pour courir à la poste !» Que nos lecteurs, qui fort heureusement pour eux ne l'ont pas vu passer, nous permettent de la leur décrire. D'abord, la caisse principale. Nous disons la caisse principale parce que cette caisse était précédée d'une manière de cabriolet. D'abord, la caisse principale, disons-nous, était peinte en bleu clair et portait en plein panneau un élégant tortil surmontant un J et un B artistement entrelacés. 2 fenêtres. Nous disons des fenêtres et non des portières. 2 fenêtres, avec des rideaux de mousseline blanche, donnaient du jour dans l'intérieur. Seulement ces fenêtres, à peu près invisibles aux profanes vulgaires, était pratiqué dans la partie antérieure de cette caisse et donné dans le cabriolet. Un grillage permettait à la fois de causer avec l'être, quel qu'il fût, qui habitait cette caisse, et de s'appuyer, ce qu'on eût pu faire avec sécurité sans cette précaution, et de s'appuyer, disons-nous, contre les vitres sur lesquelles étaient tendus ces rideaux. Cette caisse postérieure, qui paraissait être la partie importante de ce singulier coche, et qui pouvait avoir 8 pieds de long sur 6 de large, ne recevait donc de jour que par ses fenêtres et d'air que par un vasistas vitré ouvrant sur l'impérial. Enfin, pour compléter la série des singularités que ce véhicule offrait au regard des passants, un tuyau de tôle, excédant cet impérial d'un bon pied pour le moins, vomissait une fumée au panache bleuâtre qui s'en allait blanchissant en colonne et s'élargissant en vagues dans le sillage aérien de la voiture emportée. De nos jours, une pareille particularité n'aurait d'autre résultat que de faire croire à quelque invention nouvelle et progressive, dans laquelle le mécanicien aurait savamment combiné la puissance de la vapeur avec la force des chevaux. La chose eût été d'autant plus probable que la voiture, précédée, comme nous l'avons dit, de 4 chevaux et de 2 postillons, était suivie d'un seul cheval retenu à l'arrière par une longe. Ce cheval, qui offrait, grâce à sa tête petite et busquée, à ses jambes grêles, à sa poitrine étroite, sa crinière épaisse et sa queue flamboyante, les signes caractéristiques de la race arabe étaient tout scellés, ce qui indiquait que parfois quelqu'un des voyageurs mystérieux enfermés dans cette arche de Noé se donnait le plaisir de la cavalcade et galopait à côté de la voiture à laquelle une pareille allure semblait irrévocablement interdite. À Pont-à-Mousson, le postillon du relais précédent avait reçu, avec le prix de sa poste, 2 guides d'une main blanche et musculeuse qui s'était glissé entre les 2 rideaux de cuir qui fermaient la partie antérieure du cabriolet presque aussi hermétiquement que les rideaux de mousseline fermaient la partie antérieure de la caisse. Le postillon émerveillé avait, en ôtant vivement son chapeau, dit « Merci, monseigneur ». Et une voix sonore avait répondu en allemand, langue qu'on entend encore si on ne la parle plus dans les environs de Nancy, « Schnell, schneller !» Ce qui traduit en français voulait dire « Vite, plus vite !» Les postillons entendent à peu près toutes les langues quand on accompagne les paroles qu'on leur adresse d'une certaine musique métallique dont cette race, la chose est parfaitement connue des voyageurs, dont cette race, disons-nous, est particulièrement friande. Aussi, les deux nouveaux postillons firent-ils tout ce qu'ils purent pour partir au galop, et ce ne fut qu'après des efforts qui faisaient plus d'honneur à la vigueur de leurs bras qu'à celle des jarrets de leurs chevaux, qu'ils purent enfin consentir, de guerre lasse, à se restreindre à un trot fort convenable, puisqu'il permettait évidemment de faire 2,5 ou 3 lieues à l'heure. Vers 7 heures, on relayait à Saint-Mihiel. La même main passait à travers les rideaux le paiement de la pause franchie, et la même voix faisait entendre pareille recommandation. Il va sans dire que la singulière voiture excitait la même curiosité qu'à Pont-à-Mousson, la nuit qui s'approchait, contribuant à lui donner un aspect plus fantastique encore. Après Saint-Mihiel commence la montagne. Arrivé là, il fallut bien que les voyageurs se contentassent d'aller au pas. On mit 1/2 heure à faire 1/4 lieue à peu près. Sur la cime de la montée, les postillons s'arrêtèrent pour laisser souffler un instant leurs chevaux, et les voyageurs du cabriolet purent, en écartant les rideaux de cuir, embrasser un horizon assez étendu, mais que les premières vapeurs du soir commençaient à voiler. Le temps, qui avait été clair et chaud jusqu'à 3 heures de l'après-midi, était devenu étouffant vers le soir. Un gros nuage blanc venant du sud, et qui semblait suivre la voiture avec préméditation, menaçait de l'atteindre avant qu'il ait gagné Bar-le-Duc, où les postillons proposaient à tout hasard de s'arrêter pour passer la nuit. Le chemin, resserré d'un côté par la montagne et de l'autre par un talus escarpé, descendant vers une vallée au fond de laquelle on voyait serpenter la Meuse, offrait pendant 1/2 lieue une pente si rapide qu'il eût été dangereux de descendre cette pente autrement qu'au pas. Aussi fut-ce l'allure prudente qu'adoptèrent les postillons lorsqu'ils se remirent en route. Le nuage avançait toujours, et comme il était puissant et rasait de près la terre, il s'étendait en agglomérant les vapeurs qui montaient du sol. Aussi le voyait-on, dans sa blancheur sinistre, repousser toutes les autres nuées bleuâtres qui cherchaient à se placer sous le vent, comme font les navires un jour de bataille. Bientôt, grâce à ce nuage qui s'étendait au ciel avec la rapidité d'une marée qui monte, les derniers rayons du soleil furent interceptés. Un jour gris et terne filtra péniblement sur la terre, et les feuillages tremblants, sans que la moindre brise passât dans l'air, prirent cette teinte noire qu'ils revêtent sous les premières couches d'obscurité qui suivent l'absence du soleil. Tout à coup, un éclair sillonna la nuée, le ciel se fendit en losanges de feu, et l'œil effrayé put plonger dans les profondeurs incommensurables du firmament, ardentes comme celles de l'enfer. Au même instant, un coup de tonnerre bondissant d'arbre en arbre jusqu'au bout du bois que traversait la route, secoua la terre elle-même et fit courir la grande nuée comme un cheval furieux. De son côté, la voiture roulait toujours, continuant de lancer de la fumée par sa cheminée. Seulement, de noir qu'elle était d'abord, cette fumée était devenue subtile et couleur d'opale. Sur ces entrefaites, le ciel s'assombrit comme par secousse. Alors, le vasistas de l'impérial s'empourpra d'une vive lueur et demeura éclairé. Il était évident que l'habitant de la cellule roulante, étranger aux accidents extérieurs, prenait ses précautions contre la nuit afin de ne pas être interrompu dans l'œuvre qu'il accomplissait. La voiture était encore sur le plateau de la montagne. Elle n'avait pas encore commencé d'opérer sa descente lorsqu'un coup de tonnerre, plus violent et plus chargé de vibrations métalliques que le premier, dégagea la pluie des nuages. Elle tomba d'abord à larges gouttes, puis bientôt elle jaillit, drue et raide, comme des brassées de flèches qu'on eût lancées du ciel. Les postillons semblèrent se consulter, la voiture s'arrêta. « Eh bien ?» demanda la même voix, mais cette fois en excellent français, « que diable faisons-nous »« Nous nous demandons si nous devons aller plus loin, » dirent les postillons. « Il me semble d'abord que c'est à moi, non pas à vous, qu'il faudrait demander cela, » reprit la voix. « Allez !» Il y avait un accent de commandement si puissant et si réel dans cette voix, que les postillons obéirent et que la voiture commença de rouler sur la pente de la montagne. « À la bonne heure !» reprit la voix. Et les rideaux de cuir, un instant entr'ouverts, retombèrent de nouveau entre les voyageurs et l'avant-train du cocher. Mais la route, naturellement glaiseuse, humide, était trempée encore par les torrents de pluie qui tombaient du ciel, devint tout à coup si glissante que les chevaux refusèrent d'avancer. « Monsieur, dit le postillon qui montait le timonier, il est impossible d'aller plus loin. « Pourquoi cela ? Demanda la voix que nous connaissons. « Parce que les chevaux ne marchent plus, ils patinent. « À combien sommes-nous du relais ?»« Ah, celui-ci est long, monsieur. Nous en sommes à 4 lieues. « Eh bien, postillon, mets à tes chevaux des fers d'argent et ils marcheront. dit l'étranger en ouvrant le rideau et en lui tendant 4 écus de 6 livres. « Vous êtes bien bon, » dit le postillon en recevant les écus dans sa large main et en les glissant dans sa vaste botte. « Monsieur te parle, il me semble, » dit le second postillon, lequel, ayant entendu le bruit argentin qu'avait rendu en s'engloutissant les écus de 6 livres, désirait n'être point exclu d'une conversation qui prenait un si grand intérêt. « Oui, il dit comme ça que nous marchions. » « Avez-vous quelque chose contre ce désir, mon ami ?» dit le voyageur d'une voix affectueuse mais ferme, et qui indiquait que sur ce point il ne souffrirait point de contradiction. « Non, monsieur, ce n'est pas moi, ce sont les chevaux. Voyez, ils refusent d'avancer. » « Et à quoi servent donc les éperons ?» dit le voyageur. « Ah, je leur enfoncerai la mollet dans le ventre, qu'ils ne feraient pas un pas de plus. Je veux que le ciel m'extermine, si !» Le postillon ne put achever ce blasphème. Un coup de fronde effrayant par le bruit et la flamme lui coupa la parole. « Ce n'est pas un temps chrétien, » dit le brave homme. « Monsieur, voyez donc. Voici la voiture qui marche toute seule maintenant. Dans 5 minutes, elle ira plus vite que nous ne voudrons. Jésus-Dieu, voilà que nous roulons malgré nous. » En effet, le lourd carrosse, pesant sur la croupe des chevaux, qui ne pouvait plus le soutenir, faute de tenir pied, prit un mouvement de course progressive que la multiplication des pesanteurs changea bientôt en une impétueuse rotation. Les chevaux s'emportèrent de douleur, et l'équipage vola comme une flèche sur la pente obscure, se rapprochant visiblement du précipice. Ce ne fut plus seulement la voix, ce fut aussi la tête du voyageur qui sortit alors de la voiture. « Maladroit ! » cria-t-il, « tu vas nous tuer tous ! À gauche, les guides, à gauche, donc ! » « Eh, monsieur, je voudrais bien vous y voir !» répondit le postillon effaré en essayant inutilement de réunir ses rênes et de reprendre sur ses chevaux la supériorité qu'il avait perdue. « Joseph ! » cria à son tour une voix de femme qui se faisait entendre pour la première fois. « Joseph, au secours ! Au secours ! Sainte Madone !» Effectivement, le danger était urgent, terrible, suprême, et pouvait motiver cette invocation à la Mère de Dieu. La voiture, toujours entraînée par son poids et cessant d'être dirigée par une main sûre, continuait de s'avancer vers le précipice sur lequel un des deux chevaux semblait déjà suspendu. 3 tours de roue encore, et chevaux, voiture, postillon, tout était précipité, broyé, anéanti, lorsque le voyageur, s'élançant du cabriolet sur le timon, saisit le postillon par le collet de son habit et la ceinture de sa culotte, l'enleva comme il le fait d'un enfant, le lança 10 pas, sauta en selle à sa place, réunit les guides, et d'une voix terrible, « À gauche » cria-t-il au second postillon, « à gauche, drôle, ou je te brûle la cervelle !» L'ordre eut un effet magique. Le postillon qui conduisait les deux chevaux de devant, poursuivi par le cri de son malheureux compagnon, fit un effort surhumain, et donnant l'impulsion à la voiture, la ramena, puissamment aidée par le voyageur, sur le milieu du pavé, où elle commença de rouler avec la rapidité et le bruit du tonnerre contre lequel elle semblait lutter. « Au galop ! » cria le voyageur, « au galop ! Si tu faiblis, je te passe sur le corps, à toi et à tes chevaux !» Le postillon comprenait que ce n'était pas là une menace frivole. Aussi redoubla-t-il d'énergie, et la voiture continua de descendre avec une vélocité effrayante. On eût dit, en la voyant passer dans la nuit avec son grondement terrible, sa cheminée flamboyante, ses cris étouffés, voir quelque char infernal traîné par des chevaux fantastiques et poursuivi par un ouragan. Mais les voyageurs n'avaient évité un danger que pour tomber dans un autre. Le nuage électrique qui planait sur la vallée avait des ailes et se précipitait aussi rapide que les chevaux. De temps en temps, le voyageur levait la tête. C'était surtout lorsqu'un éclair déchirait la nuée, et à la lueur de cet éclair, on pouvait distinguer sur son visage un sentiment d'inquiétude qu'il ne cherchait pas à dissimuler, car personne, excepté Dieu, n'était là pour le surprendre. Tout à coup, au moment où la voiture atteignait le bas de la pente et continuait, emportée par son élan, de rouler sur un terrain égal, le brusque déplacement de l'air combina les deux électricités, la nuée se déchira avec un fracas terrible pour laisser passer ensemble éclair et tonnerre. Un feu, violet d'abord, puis verdâtre, puis blanc, enveloppa les chevaux. Ceux de derrière se cabrèrent en battant l'air chargé de soufre. Ceux de devant s'abattirent comme si la terre eût manqué sous leurs pieds. Mais presque aussitôt, celui que montait le postillon se releva, et sentant ses traits brisés par la secousse, il emporta son maître, qui disparut dans les ténèbres, tandis que la voiture, après avoir roulé 10 pas encore, s'arrêtait en heurtant le cadavre du cheval foudroyé. Tout cet épisode avait été accompagné de cris déchirants poussés par la femme de la voiture. Il eut un moment de confusion singulière, pendant laquelle aucun ne sut s'il était mort ou vivant. Le voyageur lui-même se tâta pour constater son identité. Il était sain et sauf, mais sa femme était évanouie. Quoique le voyageur se doutât de ce qui venait d'arriver, car le silence le plus profond avait succédé tout à coup aux cris qui s'échappaient du cabriolet, ce ne fut point à la femme éplorée qu'il porta ses premiers soins. À peine eut-il touché le sol, au contraire, qu'il courut à l'arrière-train de la voiture. C'est là que le beau cheval arabe dont nous avons parlé se tenait épouvanté, raidi, hérissé, dressant chacun de ses crins, comme s'il eût été vivant, et secouant la porte, à la poignée de laquelle il était attaché, en tendant violemment sa longe. Enfin, l'œil fixe, la bouche écumante, le fier animal, après d'inutiles efforts pour briser ses liens, était resté fasciné par l'aurore de la tempête, et lorsque son maître, tout en le sifflant selon son habitude, lui passa pour le caresser sa main sur la croupe, il fit un bond et poussa un hennissement comme s'il ne l'avait pas reconnu. « Allons, encore ce cheval endiablé !» murmura une voix cassée dans l'intérieur de la voiture. « Maudit soit l'animal qui ébranle mon mur !» Puis cette voix, doublant de volume, crie en arabe, avec l'accent de l'impatience et de la menace, « Nerigula gogud shaked harfrit !»« Je te dis de rester tranquille, démon !»« Ne vous fâchez point contre Djerid, maître !» dit le voyageur en détachant le cheval, qu'il alla attacher à la roue de derrière de la voiture. « Il a eu peur, voilà tout, et en vérité, on aurait peur à moins. » Et en disant ces mots, le voyageur ouvrit la portière, abaissa le marchepied et entra dans la voiture dont il referma la porte derrière lui.